Le roi appela deux serviteurs. « Battez le fort, il restera. » Sans tarder, il se jette sur le vilain. Quand il sentit le coup sur ses bras, sur ses jambes, sur son dos, il se mit à crier grâce. « Je resterai, » dit-il, « laissez-moi tranquille. » Le vilain reste à la cour. On le tond, on le rase, on lui donne une robe d'écarlate. Il se voyait hors de dommage quand les malades du pays, plus de 80, se dit-on, vinrent chez le roi. Chacun lui conte son mal. Le roi appela le vilain. « Maître, dit-il, écoutez par ici, prenez soin de ces gens, faites vite, guérissez-les-moi. » « Grâce, sire, dit le vilain, il y en a trop, Dieu me protège, je n'en pourrai venir à bout, je ne saurais tous les guérir. » Le roi appelle deux valets, et chacun a pris un gourdin, car chacun d'eux savait fort bien pourquoi le roi les appelait. Quand le vilain les voit venir, il commence à trembler de tous ses membres et se met à crier. « Grâce, je les guérirai sans tarder. » Le vilain demande du bois. On lui en apporte en abondance. Dans la salle, on alluma du feu et lui-même s'en occupa. Il rassembla les malades, puis dit au roi, « Sire, descendez, ainsi que tous ceux qui n'ont aucun mal. » Le roi sort, tout bonnement, de la salle avec ses gens. Le vilain dit au malade, « Seigneur, par le Dieu qui me créa, j'aurais bien du mal à vous guérir. Je n'en saurais venir à bout que par un seul moyen. Je vais choisir le plus malade et je le mettrai dans le feu. Nous le brûlerons dans ce feu pour le profit de tous les autres, car tous ceux qui absorberont ces cendres seront guéris immédiatement. »